إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع حق المصطفى عليه الصلاة والسلام. Nous continuons à parler et à discuter du droit de notre messager alayhi salatu wassalam. فرأينا الحق الأول وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء. Nous avons vu le premier droit qui est le fait d'aimer le Rasul صلى الله عليه وسلم au-dessus de tout. Et l'aimer, c'est le suivre, et non pas une prétention, c'est de le suivre et d'être conforme à sa voix et à ses enseignements. فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه وباتباع سنته وطريقته عليه الصلاة والسلام، ليس بالادعاء فقط. فالادعاء لا يجدي شيئا. في de prétendre aimer le Rasoul صلى الله عليه وسلم، ça sert à rien، ça ramène rien. Mais il faut que ce soit concrétisé par un suivi de ce messager عليه الصلاة والسلام. فالحق الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يطيعوه في كل ما أمر، أن يطيعوه في كل ما أمر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فهذا أمر الله. والأمر، هذا الأمر من الله سبحانه لكي نكمل ماذا؟ لكي نكمل هذا من حقوق التوحيد، أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق التوحيد. ومن والذي سيكمل لك توحيدك هو أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعه. Et donc le deuxième des droits de notre messager عليه الصلاة والسلام c'est de lui obéir. Parce que Allah سبحانه وتعالى il l'a ordonné. Et pour beaucoup de choses, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le fait qu'on obéisse à son messager alayhi salatu wassalam. Et mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parfaire le droit d'Allah et compléter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie, le fait de mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de parfaire ton monothéisme et d'accomplir comme il se doit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. الله أمر بطاعة الرسول في آيات كثيرة تزيد على الثلاثين وباتباع يد المصطفى عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة في كتاب الله. هذا يدلك على عظم هذا الأمر، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله. Il est versé qui nous ordonne le fait d'obéir au messager عليه الصلاة والسلام son nombre il dépasse les 30 versets. Et les versets dont le suivi du messager alayhi salatu wassalam sont nombreux aussi. Cela te prouve l'importance du fait d'obéir à ce messager et de le suivre. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أطيعوا الله ورسوله، أمر من الله، أمر والأمر للوجوب، فواجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتولى عن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام. Dans le premier verset Hein? Il est dit, obéissez à Allah et aux messagers, et ne vous détournez pas alors que vous entendez. Donc, ici le verset, le verbe, il est venu à l'impératif. C'est un ordre. Nous n'avons pas autre chose à faire que le fait d'obéir à ce messager, alayhi salatu salam, et de le suivre. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النداءات هذه للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارهق سمعك فهذا إما أمر من الله أو نهي من الله يخصك يا عبد الله. أنت آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله فهذه النداءات تخصك يا عبد الله وتخصني وتخص كل مسلم يجب علينا أن نطبقها. يا أيها الذين آمنوا أمر من الله ماذا علينا؟ أطيعوا الله طاعة لله طاعة الله سبحانه وتعالى وبعد أطيعوا الله وأطيع الرسول. فلاحظ أنت أطيع الله الفعل جاء في صيغة الأمر وكرر الفعل وأطيع الرسول في صيغة الأمر كذلك وجاء وأولي الأمر منكم ولم يكرر الفعل وأولي الأمر منكم أي العلماء الربانيون والحكام يجب عليك طاعتهم كذلك في طاعة الله عز وجل ولم يكرر هنا الفعل لأن طاعة العلماء وطاعة الحكام تكون في المعروف وتكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل l'autre verset il dit où vous qui avez cru. Donc quand tu entends comme il a dit Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه وارضاه, quand tu entends cet appel où vous qui avez cru, il faut que tu sois attentif. Car c'est un message qui te concerne, toi qui as cru en Allah, qui as cru en son messager, hein, et qui a pris l'islam comme religion, ce message nous concerne tous, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être attentifs à ces messages, parce que dans lesquels on se retrouve avec des offres qui nous viennent min Allah azza wa jal, ou des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Hein? Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui vous gouvernent. Ici, Oulat al-Umur sont de deux catégories, les hommes de science dignes du nom et les gouverneurs. Obéissez, regarde, remarque avec moi que le verbe a été répété deux fois. Il a été, la première, obéissez à Allah. Il a été répété au moment d'ordonner le fait de obéir au messager, obéissez au messager. Quand il est venu à l'obéissance des gouverneurs et des hommes de science dignes du nom, ben il n'a pas répété les vers. Pourquoi disent les hommes de science? Parce que l'obéissance aux hommes de science dignes du nom et aux gouverneurs passe par l'obéissance à Allah et à son messager. C'est-à-dire, s'ils obéissent, ils ordonnent quelque chose qui n'est pas conforme aux lois d'Allah, qui n'est pas conforme à la sunna du prophète, il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance se fait dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance à son messager, alayhi salatu wassalam. Fa'una akhar islam, ta'atullah wa ta'atul rasuli wa amrun min Allah an tuti'a wa la ta'amrik, raghma anfik. Et le fait d'obéir aux hommes de science dignes du nom et d'obéir à tes gouverneurs, malgré toi, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire, c'est un ordre dont tu leur obéis dans l'obéissance à Allah. Sinon, tu vas être en divergence avec l'ordre d'Allah et tu vas être en divergence avec l'ordre du messager alayhi salatu salam. Et la sunna de ton prophète alayhi salatu salam. Et tu seras dans une situation critique. Fal ulama, talatu wa asna fakhal islam. علماء الأمة فهادوا يقولون للأمة كل ما تريد الربا حلال ما كاين مشكل شريط ضرب الربا فاش تكون ما عندك مشكل. هذا قتل نفسه فهو شهيد لأن الأمة تريد أن يكون شهيدا فهو شهيد ما كاين مشكل. وهكذا هذه علماء الأمة. وفي علماء الملة لا يخشون في الله لومة لائم يكون للحق رضي من رضي وكره من كره. وفي علماء الدنيا فهذا لا كلام مع هذا أمرهم واضح، لكن المشكلة في علماء الأمة الذين يدورون مع الأمة كلما أرادت الأمة رخصة أو أرادت شيئا تخالف به شرع الله أعطوه لها، هذا مشكل. أما علماء الدنيا فأمرهم ظاهر. خون الله عز وجل دوس فيغسي où il y a l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager alayhi salatu wa sallam, l'obéissance aux gouverneurs et aux hommes de science dignes du nom. Sache que les hommes de science sont de trois catégories. L'homme de science de la communauté et l'homme de science de la voix et l'homme de science du mondain. Ceux de la dunya et du mondain sont clairs. Notre problème et le problème de la communauté, il est dans la catégorie qui les hommes de science de la communauté, c'est-à-dire ceux qui vont dans le sens des désirs de la communauté. La communauté a envie d'avoir et d'acheter des maisons à crédit usuaire, il lui donne l'autorisation, il lui trouve les prétextes. La communauté a vu que dans celui-là qui s'est suicidé en brûlant, c'est un martyr, il lui a dit c'est un martyr. Et ainsi de suite. Et ceux-là, ce sont les plus dangereux pour la communauté. Et il y a l'homme de science de la milla, de la voix, qui craint rien, qui dit la vérité là où il est, peu importe qu'il soit sur le terrain d'Yal Tahrir ou là ailleurs, il dit la vérité. Et peu importe ce qui arrive. Hein? Et donc à toi de savoir qu'est-ce que tu veux entendre. Tu veux entendre qu'il va avec quelque chose qui va avec tes passions, avec tes désirs, avec ce que tu veux, avec ce que veulent les gens et la masse, ou tu veux entendre ce que veut de toi Allah. Tu es éprouvé par le fait de choisir ton chemin. فالله أمر بطاعة العلماء، العلماء الربانيون الناصحون للأمة، ليس علماء الفتنة ولا دعاة الفتنة. الله il a ordonné le fait d'obéir à ces hommes de science dignes du nom et ces éducateurs de la communauté dans l'obéissance à Allah et non pas à ces perturbateurs et ces prêcheurs de la fitna. Hein? Et comme il a ordonné aussi le fait d'obéir aux gouverneurs et de ne pas se révolter contre eux et de ne pas appeler à la révolte contre les gouverneurs. Hein? Il fait partie min aqidati al-sunna wal-jama'a annahum yarawna al-jihad ma'a kulli hakimin barrin kana aw fajir wa yarawna as-salata wara'ahu wa yarawna al-jum'a wa kull shay. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أصل من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة. Il fait partie des fondements principaux, c'est les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna et ceux qui suivent la voie de le plus élevé d'Allah, qu'ils voient le combat sur le sentier de Allah avec le gouverneur, qu'il soit pervers ou qu'il soit dévoué à Allah ou qu'il soit dans la droiture, peu importe. Ils voient le fait de combattre avec lui, de prier derrière lui, de faire le jumu'ah derrière lui, tout ça est lourd. Et de lui obéir tant qu'il n'ordonne pas la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Wa laysa min aqidati ahli sunna wal jama'a al khuruj ala immat al muslimin. Fujjaran kanu aw abrar. Et ça fait pas partie des croyances des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, de se révolter contre les gouverneurs, qu'ils soient pervers ou injustes, ou alors hein, des gens de bien. ولنا أسوة حسنة في أصحاب رسول الله وعملهم مع الحجاج بن يوسف الثقفي أخرج عليه عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل والصحابة الآخرين أخرجوا عليه. Et nous avons les meilleurs des exemples dans les nobles compagnons du prophète alayhi salam, Abdullah ibn Omar. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi? Et tyran, quel sang il n'a pas fait couler? Est-ce qu'Abdullah ibn Omar s'est révolté contre lui et les autres compagnons qui étaient vivants? Ebeden. Hein? Et ce sont nos nobles compagnons. Et qui est Abdullah ibn Omar dans le suivi, dans la conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et les autres compagnons qui étaient vivants à cette époque. Notre leçon, ikhwat al-islam, darsuna wal-ibar yajibu an na'khudaha min salafina salih. فنحن لا نحتاج إلى آراء الخسيرة أو الخسيسة ولا نحتاج إلى آراء العربية. قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. منهاجنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا وفق آراء السياسيين والإيديولوجيين والعلمانيين والمنظرين للجماعات والخوارج وإلى ما ذلك. فهنا الله عز وجل notre voie. Et là on va être sauvé. Vient pas des opinions publiques. Vient pas de la vie de tout un chacun. Vient pas de la vie des télés, ni de l'Khassissa, ni autres, qu'ils soient européenne ou arabe, peu importe, vient pas de la vie des laïcs, ni des politiciens, ni des théoriciens du groupe qui existe sur le terrain, ni des khawarij, ni d'autres. Notre voie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré. Il a fait qu'il y a d'où il est. Le livre d'Allah, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pas avec n'importe quelle compréhension, avec la compréhension de plusieurs de Allah qui sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection. Si on sort de là, on va vers notre perte. Et c'est ce qui arrive à la communauté maintenant. Ça patauge dans tous les sens. وإذا خرجنا عن هذا المنهاج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا ضعنا وضيعنا وحلت بنا الفتن وهذا واقعنا لا يخفى على أحد. Et la situation est claire devant tout le monde maintenant. وواجب علينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يدعو أمته إلى الصراط المستقيم. هذا الصراط الذي سيوصلهم إلى رضوان الله وإلى الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم. ها؟ Et aussi il est obligatoire pour nous d'obéir à ce messager alayhi salatu wassalam, parce que ce messager appelle cette communauté à la voie droite, à la rectitude, qui va les amener vers où? Vers l'agrément d'Allah, vers le grand gain, vers le paradis. Et il est dit de ce messager alayhi salatu wassalam, et certes, tu les guides vers la voie droite. Ta'ammal ma'i akhal islam, ta'ammal ma'i أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليك في كل صلاة أن تدعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط الإسلام يمر باتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام رضوان الله عليهم. وهذا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم يبينه لك الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فصراط المنعم عليهم هو صراط الأنبياء، هو طريق الأنبياء، هو طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وطريق الصديقين، وكل الأنبياء صديق، وصديق هذه الأمة وصديق البشرية بعد الأنبياء أبو بكر رضوان الله عليه، وصحابة رسول الله صديقون. عندما أراد الله أراد أبو بكر أن يحسم الخلاف بين الأوس والخزرج بين الأنصار وفي خلافة عندما بدأ تطل الفتنة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير ماذا قال لهم أبو بكر الصديق؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين فقال لهم سمنا الله بالصادقين فكونوا معنا. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فطريق المنعم عليهم أخ الإسلام طريق الأنبياء وطريق محمد عليه الصلاة وطريق صحبه الكرام، فهم الصديقون أخ الإسلام رغم أنف الروافض وجمد الله الدماء في قلوبهم وفي عقولهم، فهم أحق بالشتم من صحابة رسول الله. الصديقين وبعدها والشهداء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأعلى في الشهادة. أسمعتم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نفسه وسموه شهيدا كما تسمع أنت الآن؟ أم قتلوا لكي تكون كلمة الله هي العليا؟ والصالحين، من يدخل في الصالحين؟ أنبياء الله هم صالحون، ويدخل فيه كذلك صحابة الأنبياء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من اتقى الله عز وجل وامتثل أوامره واجتنب نواهيه كما أراد الله ووفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ها، فهذا يبين لك الطريق. إذا أردت أن تكون من المنعم عليهم فعليك بطريق المصطفى عليه الصلاة والسلام وطريق صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهذا ليس من باب النافلة أخ الإسلام، فهو واجب عليك. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد أن تكون ممن حظى برضوان الله فعليك باتباعهم بإحسان، اتباع المهاجرين واتباع الأنصار بإحسان أخ الإسلام. فهنا الله عز وجل je veux que tu médites avec moi que Allah سبحانه وتعالى il a fait obligatoire pour nous un dua dans chacune de nos prières. Et si on ne fait pas ce dua dans nos prières ne sont pas acceptées, ils sont nuls. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non la voie de ceux qui ont encore ta colère, et non la voie des égarés. À chaque fois, tu demandes, dans chacune de tes prières, tu demandes ça. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te montre c'est quoi cette voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. Dans l'autre verset. Et ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. La voix de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, si tu veux être dessus, il faut que tu suives le messager alayhi salatu wassalam et que tu suives ses nobles compagnons. Sinon, tu ne seras pas dessus. Il faut que tu oublies son message alayhi salatu wassalam. Hein? Parce qu'il te guide sur la voie droite. Que tu demandes tous les jours. Hein? Et cette voie, c'est la voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Et c'est la voie des véridiques. Et il est évident que tous les prophètes étaient véridiques. Et les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam sont des véridiques aussi. Tu es obligé de les suivre. Et la tête des véridiques de l'humanité entière après les prophètes, c'est Abu Bakr Siddiq, qu'on déplaise à Rafida. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines et les insultes qu'ils y mettent contre eux. Les compagnons de Muhammad, c'est eux qui les méritent. Hein? Et les compagnons de Muhammad sont tous véridiques. Qu'on déplaise à ceux qui veulent les dénigrer. C'est eux qui méritent le dénigrement. Et devant Allah, ils vont rendre des comptes s'ils ne se repentent pas de cette situation. Hein? Et les martyrs et les compagnons de Muhammad alayhi salam nous ont donné le meilleur des exemples dans le martyr. Vous avez déjà entendu un des compagnons qui s'est brûlé et on l'a considéré comme martyr? Ils ont donné leur vie sur le sentier de combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Ils ne se sont pas suicidés. comme ceux qui se suicident maintenant, et les savants de la communauté, de la Ummahadou et de la télé, les passent comme des martyrs. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Hein? Et après les martyrs, il y a les vertueux. C'est qui le vertueux? C'est celui qui met en application les ordres d'Allah avec preuve min Allah Azza wa Jal et qui espère la récompense et l'acceptation d'Allah. Et qui s'abstient de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit avec preuve min Allah Azza wa Jal en ayant peur du châtiment d'Allah. Et rentre dedans les nobles compagnons de Muhammad alayhi salatu salam. Donc si tu veux être parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, il faut que tu suives le messager alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Et le fait de les suivre, ce n'est pas un surrogatoire à l'islam, c'est une obligation. Dans l'autre verset, il est dit, il est premier parmi ceux qui ont quitté la Mecque et les alliés, l'Ansar, c'est-à-dire ceux qui les ont accueillis à Médine, hein, et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'est-ce qui leur arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Donc, tu n'es ni Ansar ni Muhajiri. Il reste quoi? La troisième catégorie. Le suivi à la perfection. De les suivre à la perfection. Suivre qui? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah et les autres nobles compagnons radhiyallahu alayhim. C'est là où il y a l'agrément d'Allah. C'est là où il y a la suprématie. C'est là où il y a le triomphe. C'est là où il y a les honneurs. Ce n'est pas dans la voie des Khawarij, ni dans les révoltes, ni dans les manifestations. T'as déjà entendu parler que des compagnons sont sortis à crier dans les rues aux mes femmes? Trouve-le dans les annales de l'histoire. Abadan. T'as déjà entendu que Imam Malik l'a fait, ou Imam Ahmed? Et on verra quand on fera le droit des gouverneurs ce que dit l'imam Ahmed. Alors que le fitna était à son apogée, on appelait à la mécréance, on appelait à dire que le Coran est une créature. Et on l'imposait. Et les hommes de science se faisaient massacrer. Et pourtant, il n'a pas appelé à la révolte contre ceux, hein, qui le faisaient et qui maltraitaient les hommes de science, etc. Où sommes-nous de la voie de ne plus être d'Allah alim? Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Est-ce qu'on cherche l'agrément d'Allah et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou là on veut suivre nos passions? Ce que nous dicte la politique de droite et de gauche, l'idéologie de ce groupe, le théoricien de ce groupe, le khariji de cette chaîne, l'autre khariji de l'autre chaîne, et ainsi de suite. C'est ça que nous voulons. Hein? Qu'on se réveille. On est une communauté qui est devenue la risée des autres communautés. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. Ô communauté de laquelle les autres communautés ont rigolé de son ignorance. Et on est arrivé à ce stade-là, à l'islam. Qu'on se réveille, qu'on revient vers Allah, qu'on revient à notre raison et qu'on comprenne le chemin que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك في طاعة رسول الله الهدي الهدي إلى كل خير. يهديك إلى كل خير وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans le fait d'obéir à ce messager alayhi salatu salam, il y a la guidée vers tout le bien. Et il est dit dans le verset, si vous lui obéissez, vous allez être guidé. Guidé vers quoi? Vers tous les chemins de bien, alayhi salam, et vers tout le bien. Donne pas ta raison à quelqu'un d'autre. Va pas chercher des règles. Et là où il n'y en a pas, les règles sont dans le livre d'Allah, dans l'authentique de la Sunna, selon la voie et la compréhension du typisateur d'Allah alayhim. Hein? وفي مخالفة المصطفى عليه الصلاة والسلام الضلال والدمار والفتن. الضلال والدمار والفتن. Et dans le fait d'être en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a la destruction, l'égarement et la perturbation. Et ce que vit la communauté maintenant, regarde-le en face de toi. T'as pas besoin. Tout est en face de toi, regarde. Est-ce que, hein, cette fitna qu'il y a dans la communauté, tout ce qui se fait, ce qui est conforme à la sunna. Et qu'est-ce qui nous a amené à ça? Le fait d'être en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وهذا ربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمر واحد فليحذر الذين يخالفون عن أمر من؟ أمر محمد عليه الصلاة والسلام. أمر واحد فكيف بالمخالفات بالقناطر، مخالفة الرجل لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة المرأة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفاتنا في المساجد، مخالفتنا تجاه أولادنا، مخالفتنا تجاه أبنائنا، تجاه أمهاتنا، تجاه أنت، تجاه ولاة أمرنا. هايف هيركيل عمر قفا Il est dit dans le verset, frère en Allah, Azza wa Jal, qu'il fasse attention. Ceux qui divergent de l'un de ces ordres, l'ordre de qui? L'ordre de Muhammad al-Zim. Un seul ordre. Qu'il ne leur arrive pas le fitna. Tu sais ce que c'est que le fitna? C'est l'associationnisme. Comme il a dit Imam Ahmed, il ne cesse de rejeter les ordres du prophète al-Zim jusqu'à se tomber sur leur tête dans la fitna. Ou qu'il ne leur arrive pas l'énorme châtiment. Regarde ce qui se passe sur le terrain. Regarde combien de divergences nous avons avec le messager alayhi salam et avec la sunna du prophète alayhi salam, hommes et femmes. Et il dit dans le verset, ce qui vous arrive, c'est parce que vous l'avez mérité, ce sont vos actes. Donc cette perturbation et tout ces, l'injustice, si injustice des gouverneurs, etc., il découle de nos actes. Comme vous êtes, vos gouverneurs seront. Ce sont vos actes qui vous gouvernent. C'est-à-dire que les gouverneurs sont à l'image de nos actes. Plus on est en divergence avec la sunna du prophète, plus on subira. Jusqu'à ce qu'on revienne à la sunna et qu'on soit conforme à la sunna du prophète. Alors on est une communauté qui n'est pas libre. L'autre étudie. Hurriyat al-ra'i. Quel hurriyat al-ra'i? Là, tu es hur fi iltizamika bi awamirillah fi istislam amrika lillah. Al-islam, al-istislam lillah wal-qiyad lahu bit-tawhid wat-ta'a. هذه هنا حريتك خلال الإسلام. يجي liberté d'expression, liberté d'opinion. Quelle liberté d'opinion d'expression? Toi, tu es soumis à Allah, tu es musulman. Donc ta liberté est dans ta soumission à Allah. Dans le fait d'accomplir le monothéisme et de suivre ton messager à l'Islam, c'est là où il y a ta liberté. Ne va pas chercher les idéologies et les histoires à dormir debout et. Et même ceux qui crient la liberté d'opinion, même eux, ils savent très bien que ça c'est du faux. Ils ont la liberté pour ceux qui veulent. Et ils donnent la liberté pour les choses qu'ils veulent. Et non pas pour le reste. Dans les pays où on crie la liberté d'opinion, la liberté, etc., des personnes, etc. Regarde, est-ce que la musulmane doit s'habiller d'une certaine façon? Dans certains pays, on veut lui interdire. Où est la liberté dans ces cas-là? Où est la liberté pour ce qui nous convient et qui convient à nos principes et ce que nous voulons? L'akhir islam. Et nous, on n'est pas à ça. Nous, notre liberté, elle est dans le fait d'être soumis à Allah, de suivre son messager, alayhi salatu wasalam. Et si on sort de là, on est perdant. La parole d'Omar ibn al-Khattab doit être devant nos yeux. Nous sommes des gens, il disait, radiallahu anhu arda, qui étaient au plus bas de l'échelle, rabaissés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés avec l'islam, c'est-à-dire avec la soumission à Allah, le suivi du messager alayhi salatu wasalam, et l'accomplissement du monothéisme du suivi. Et si nous cherchons autre chose, notre honneur dans autre chose que la soumission à Allah, Allah il va nous rabaisser. La même chose pour nous, à l'islam. La même chose. Ce qui a fait le bien du début de la communauté, c'est ce qui fera le bien de la fin de cette communauté. Comme il a dit l'imam Malik, tu crois, ces hommes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits et qui a fait qu'ils ont vécu dans les meilleures des générations de l'humanité, ils parlent dans le vide. Là, leurs paroles sortent Hein? Une interprétation saine de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et al-islam. وكذلك يقول ربنا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبين ضلال واضح رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمر بنصيحة إذ كان هناك من نصيحة تسدل إلى ولي الأمر بينك وبينه وهذه لا فوق المنابر أليس هذا عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها ودعوة إلى الفتن وتحريض الناس على ها حكامهم وعلمائهم ها et aussi il est dit dans notre verset et celui qui désobéit à Allah et à son messager, celui-là s'est égaré d'un égarement clair et total. Hein? Regarde, frère, on a Allah, Azzawajal, pour que tu comprennes la situation de cet égarement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, quand tu as besoin, quand tu as un conseil à faire à ton gouverneur, si tu le peux, tu le fais entre toi et lui. La main dans la main, et entre toi et lui, pas en public. Là maintenant, c'est sur les le membre. Et sur les sites d'internet, vas-y toi. Qu'est-ce qu'on cherche avec ça? La fitna. Exciter les gens contre leur gouverneur. Instaurer la haine contre eux. Contre les populations et leur gouverneur pour qu'ils se révoltent. Et pour qu'il y ait la fitna. Qu'il y ait le bain de sang. Est-ce que ça c'est une obéissance à Rasulullah alayhi wa sallam? Alors que Rasulullah alayhi wa sallam fait partie des règles de cette religion. C'est qu'on doit repousser le mal. Et ramener le bien. Hein? ولأن في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار et dans le fait d'obéir au messager عليه الصلاة والسلام il y a le fait de rentrer au paradis celui qui obéit à Allah et à son messager Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer hein au paradis dans des jardins sur lesquels coule du fleuve wa qala sallallahu alayhi wa sallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasul Allah qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba kalam wadih ta'atullah ta'atu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tadkhulu al-janna isyanuka li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam anta tarfad an tadkhul al-janna ha Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté, c'est-à-dire la communauté, ceux qui ont répondu à l'appel du prophète alayhi wa sallam, toute ma communauté rentreront au paradis, sauf ceux qui le refusent. On lui a dit à Rasulullah, qui va le refuser? Qui le refusera? Celui qui m'obéit rentrera au paradis. Et celui qui me désobéit, c'est qu'il a refusé. Refusé quoi? De rentrer au paradis. Bah regarde, tous ces actes que tu vois maintenant sur la scène, est-ce qu'ils sont c'est une obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou une désobéissance? Faut être éveillé à l'islam. Hein? Les textes sont clairs. Wa fi ma'siyati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an-nar. Wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin. Hein? وانا اسالك بالله كل ما يجري على الساحه هنا وهناك امخالف امعصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام طاعه لرسول الله ها اهو معصيه ام طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي le fait de désobéir à son messager عليه الصلاه والسلام est l'enfer. Et il est dit dans le verset, celui qui désobéit à Allah et à son messager, il dépasse les limites. Les limites que Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Allah le fera rentrer au feu de l'enfer où il sera éternellement rabaissé par le châtiment. Maintenant, je te pose la question, Akhi. Ce qui se passe sur le terrain maintenant en Égypte, en Tunisie, un petit peu partout. Que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les pays de l'islam. Des fitanes et des fettanines. Est-ce que ceci est conforme avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ou là c'est une désobéissance, une divergence avec le prophète alayhi salatu wasalam. Réfléchis. Hein? C'est conforme ou là c'est une divergence? Regarde. Wa hahum ahlun nar khal islam yandamuna fi waqtin la yanfa'u fihi an-nadam. يندمون على عدم طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Voici maintenant, comme il est dit dans le verset, les gens du feu de l'enfer vont regretter, ils vont se mordre les doigts au moment. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi au messager عليه السلام, au moment où le regret ne servira à rien. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أشم المشكل؟ لم يطيع، لم تكن هناك طاعة لله ولا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما بدأوا في العقاب بدأوا يعاقبون في النار، وبدأ العذاب والنار يدورون فيها، ها؟ والنار محيطة بهم من كل جانب. بدأوا يا ليتنا أطعنا الله والرسول. كن هير، مش بدي لك كن هير، دروكا. باقي ما كاين الحساب هنا، هنا نرجع الى الله، هنا نطيع الله، هنا نعمل بداك الشيء اللي امر به الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. وسي مانتنو لي جون دو لونفير كي فون لو ريغريتي، مي سي ترو تار، اي فون ريغريتي كوا؟ لور ديزوبيسونس او ميساج عليه الصلاه والسلام. Il est dit dans le verset, au moment où le feu de l'enfer va les entourer, où ils vont être châtiés dans le feu de l'enfer, ils vont dire quoi? Si on avait oublié Allah et au messager, trop tard. C'est fini. Si maintenant, tant qu'on a la vie, qu'on doit oublier Allah et au messager, pas une fois qu'il y a eu, ça y est, les comptes sont faits. Il n'y a plus rien. C'est fini. C'est maintenant, akhal islam. Maintenant, dans ce bas monde, où l'obéissance doit se faire. Pas au moment où chacun a pris son livre, l'un l'a pris avec la main de droite et l'autre l'a pris avec la main. C'est fini. Une fois la résurrection, c'est terminé. Une fois que l'ange de la mort est venu te chercher, c'est fini. Tant que tu as la vie, tant que tu es vivant, c'est là où tu dois obéir à Allah et à son messager, comme le veut Allah et comme le veut le messager, comme l'a enseigné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. كذلك في طاعة رسول الله الفوز بسعادة الدارين. الدنيا والآخرة. Dans le fait d'oublier au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as le gain et le bonheur dans les deux mondes, dans ce bas monde et dans l'au-delà. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان أي قول المؤمنين، يعني أجد حكم كتاب الله وجد حكم السنة دي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول سمعنا وأطعنا، ماشي سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا. هؤلاء هم المفلحون، فلاح الإسلام. والذي يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الفائزون. فالفلاح والفوز بالجنة والفلاح في الدنيا كله يمر بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, dans le fait d'obéir au messager عليه الصلاة والسلام, tu as le gain de ce bas monde et dans l'au-delà. Il est dit dans le verset, certes, la parole des croyants était quand on les appelle vers Allah et son messager pour juger entre eux, c'est-à-dire quand on les appelle au jugement du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam après la mort du prophète alayhi salatu wasalam, ils disent nous avons entendu, nous obéissons. Pas nous avons entendu, on se détourne. Là, on obéit, on désobéit pas. Ceux-là, ce sont les muflihoun, ceux qui ont réussi à l'islam. Réussi dans ce monde. Et ceux qui obéissent à Allah et à son messager et qui craignent Allah et qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ce sont les ils ont gagné le paradis, ils ont gagné l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le bonheur dans ce bas monde, et le grand gain dans ce bas monde et dans le delà, passe par l'obéissance à Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. كذلك من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمتي أن يستجيبوا له إذا دعاهم لما يحييهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا لما يحيينا، فإذا دعانا يجب علينا الاستجابة. Et donc le troisième droit de notre prophète عليه الصلاة والسلام parmi les droits de notre prophète عليه الصلاة والسلام c'est de répondre à son appel quand il nous appelle vers ce qui va faire notre vie, ce qui va nous faire vivre. Pourquoi ? Pour beaucoup de choses. لماذا الاستجابة لله ورسوله ؟ والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ؟ لأمور عدة منها. الله أمرنا بأن نستجيب له ولرسوله. هذا أمر من الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فناداهم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، أي أن الحياة الطيبة هي في اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا الحياة الطيبة. Parce que dans le fait de répondre à l'appel du messager عليه الصلاة والسلام il y a la bonne vie. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné au fait de répondre à son appel quand il nous appelle et de répondre à l'appel du messager alayhi salatu wassalam. Il est dit dans le verset « Où vous qui avez cru ?» Il les a appelés, il les a interpellés par la croyance. Il leur a dit « Vous avez cru ? Où vous qui avez cru ?» Répondez à Allah et à son messager quand il vous appelle pour ce qu'il va faire votre vie. Ça veut dire que la bonne vie, la meilleure des vies, il est dans le fait d'obéir à Allah et d'obéir au messager alayhi salatu wassalam. De répondre à l'appel d'Allah et de répondre à l'appel du messager alayhi salatu wassalam. C'est là où il y a la réelle vie et la bonne vie après l'islam. كذلك في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الجنة. للذين استجابوا لربهم الحسنى ها الأمور الحسنة وفسلت بالجنة ها كل ما هو حسن لهم في الجنة ولهم في الدنيا الأمور الحسنة ها et dans le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager le paradis il est dit dans le verset ceux qui ont répondu à leur souverain ils auront quoi le husna le husna a été interprété par les bonnes choses et par le paradis hein كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا أحرص علينا من أنفسنا c'est que le prophète عليه الصلاة والسلام tient à nous et à notre bien plus que nous-mêmes قال تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي تعرفونه وتعرفون نسبه في قراءة من أنفسكم أي من أشرفكم يشق عليه ما يشق عليكم ها رؤوف بالمؤمنين كان أمر شق على المؤمنين فيشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريص علينا أكثر من نحن من حرصنا على أنفسنا نحن Et pourquoi répondre à ce messager alayhi salatu wassalam ? Parce qu'il tient à nous plus que nous-mêmes. Il tient à ce que nous ayons l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, dans la description de ce messager alayhi salatu wassalam, il vous est arrivé un messager qui est de la même race que vous, dans une lecture qui fait partie des plus nobles parmi vous. Il est le plus noble, le plus... Hein, vous connaissez sa généalogie, sa véracité, son comportement, etc. Tout ce qui vous est difficile, il peine devant les choses qui vous sont difficiles. Hein? Et il tient à vous et il est clément pour les croyants. Il tient plus à nous pour que les situations soient faciles pour nous hein? Que nous-mêmes. كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى السعادة الدارين et aussi parce que الرسول صلى الله عليه وسلم nous appelle vers le bonheur des deux mondes يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه حقوقه علينا، فيجب أن نحققها بعد تحقيق حق الله، أن نحقق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بتحقيق حق رسول الله سنحقق حق الله سبحانه وتعالى، وسنكمل حقوق الله سبحانه وتعالى. إيه؟ Parce que ce messager alayhi salatu salam nous appelle vers le bonheur des deux mondes. Il est dit dans le verset, dans la description de ce messager: ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur, avertisseur, appelant vers Allah avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et annonce aux croyants les grands bienfaits min Allah azza wa jal. Ça, ce sont certains droits de notre messager alayhi salatu salam. Nous devons nous en acquitter et les accomplir pour que qu'on complète, on puisse compléter le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfaire les obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accomplissons le droit de ce messager alayhi salatu wassalam. Wa min haqq hadha an-nabi alayna an nuktira min as-salati alayhi والسلام عليه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Il fait partie des droits de ce messager عليه الصلاة والسلام, c'est qu'on fasse beaucoup de prières sur ce messager. Et il dit dans le verset: Allah et ses anges font la prière sur le messager عليه الصلاة والسلام. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce messager, c'est les éloges que fait Allah subhanahu wa ta'ala ce messager, parce qu'il aime ce messager. Et la prière des anges, c'est des dua pour ce messager alayhi salatu wassalam. Et nous, nous devons faire aussi l'ordre min Allah subhanahu wa ta'ala de faire beaucoup de prières, de salutations sur ce messager alayhi salatu wassalam. لأن صلاتنا على رسول الله تنفعنا نحن أخ الإسلام. Et notre prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, il est bénéfique à nous. C'est nous qui sommes gagnants. Les qawlis sallallahu alayhi wa sallam: man salla alayhi salatan sallallahu alayhi biha ashran. Ashrat al-marrat. Itni alayk Allah subhanahu wa ta'ala. Ta tad'i al-rasul sallallahu alayhi wa sallam ashrat marra. Tsalli al-nabi sallallahu alayhi wa sallam marra. كانت كتناء من الله سبحانه وتعالى عشرات الخطرات. من الرابح؟ أنت وأنا إذا أكثرنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ pourquoi on est les gagnants? parce que Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui fait une prière sur moi, Allah سبحانه وتعالى lui fait 10 prières. dire les éloges من الله سبحانه وتعالى sont pour toi 10 fois. alors que toi t'as fait juste une prière sur le prophète عليه الصلاة والسلام. tu reçois 10 éloges من الله عز وجل. donc les gagnants sont nous. Content, faut augmenter nos prières sur notre messager alayhi salatu wassalam. Wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam: awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktaruhum alayya salatan. Wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam: al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli alayhi. Ceux qui vont être proches du prophète alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection, ce sont ceux qui font beaucoup de prières sur ce messager. Et parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: l'avare, c'est celui quand je suis cité devant lui, il ne fait pas de prière sur moi. Là, c'est l'avare. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. كذلك من حقنا من حق هذا النبي علينا أن نأخذه أسوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة مثال قدوة أن نتبعه ونحاول تشبه به. إذا كنا نرجو الله ونريد رضوان الله فهو مثالنا. الناس الآن تأخذ أمثلة في أبطال الكرة الآن قال لكم بيأخذوا الأمثلة في اللي حرق نفسه ويزيدهم في الضلال الأخرين إلى ساحة الشهيد بوعزيزي ولا بوعزازة. سبحان الله مسكين انتحر. فهادو شوف الضلال إن فين تيوصل وشوف على سنة شحال واحد تبعو فيها من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. وشوف الأمور كيف انقلبت، ساحة كلها بسميته صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، صلى الله سبحانه وتعالى يرد هذه الأمة إلى رشدها. Et donc, il fait partie des droits du messager alayhi salam, c'est qu'ils doivent prendre ce messager comme modèle et comme guide, ils doivent le suivre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Il a dit, vous avez le meilleur des exemples, le meilleur des guides et le meilleur des personnes à imiter dans le messager. Il est à imiter. Pour qui? Il est modèle pour qui? Pour ceux qui espèrent la récompense min Allah et qui vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qui croient vont le delà, qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Pour cela, ce messager est un modèle pour eux, ils doivent le prendre ainsi. Hein? Et regarde les gens qui le modèlent et se donnent maintenant des footballeurs, des etc. et tout. Donc maintenant, certains se donnent comme modèle celui qui se suicide, qui se brûle. Et regarde l'égarement et l'ignorance, mais jusqu'où il nous a amené à maintenant à créer une place qui s'appelle la place de celui qui s'est donné la mort, qui s'est suicidé en Tunisie, a donné toute une place à lui donner son nom. Hein? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa alayhi. Pourquoi? Et regarde tous ceux qui l'ont suivi, qui ont fait comme lui à travers le monde. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait une bonne sunna, c'est-à-dire celui qui fait revivre une sunna, c'est pas il a innové quelque chose de nouveau, abadan. Qui accomplit une sunna, que les gens le suivent dans cette voie-là et dans cette sunna-là, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont suivi. Mais celui qui fait une mauvaise sunna, qui ramène quelque chose qui ne fait pas partie de la voie de Mohammed alayhi salam, ben il aura son châtiment et le châtiment de ceux qui l'ont suivi sur cette voie-là. Hein? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ramène cette communauté et lui donne, hein? Il la ramène vers sa religion et vers la voie de son messager, alayhi salam. La situation est très dangereuse à l'islam. ويجب التأسي بهذا الرسول لأنه لا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il est obligatoire pour nous de le prendre comme modèle parce qu'il ne parle pas de ses propres passions. Et comme il est dit dans le Coran, il ne parle pas de ses propres passions, c'est une révélation qui lui a été faite. ويجب أن نتأسى به لأنه أفضل البشر على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Il faut le prendre comme modèle parce que c'est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit عليه الصلاة والسلام je suis le plus noble. Hein? De la descendance des enfants d'Adam, il n'y a aucune fierté à avoir. Alayhi salatu wassalam. Wa li'annahu sallallahu alayhi wa sallam ala khuluqin azim kama wasafahu rabbul izza wa innaka la'ala khuluqin azim. Et parce que il a le plus noble des comportements, comme il est décrit dans le Coran, il s'ertue sur le plus noble des comportements. Et il est obligatoire pour nous de le prendre comme modèle dans son adoration, dans ses croyances, dans son adoration, dans son comportement, dans sa générosité, dans son combat, dans sa bravure, dans son pèlerinage, dans son odobre, à tous les niveaux, à l'islam, dans son comportement avec tout un chacun. Je vous alina natasabi, fi atikade, fi ibadati, fi mu'amalati, fi akhlaqi, fi salati, fi mu'amalati ma al-jami'. Hein? هذه بعض حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحقيق حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرد شباب المسلمين ردا جميلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا ويرزقنا وإياكم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.